Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le crédit social de Réal Caouette. En 1940, Réal Caouette était un fou. En 1950, il était un opportuniste. En 1960, il était un homme dangereux. Mais en 1976, il est devenu un grand Canadien. Le député créditiste Gilbert Rondeau, qui rend hommage à son chef Réal Caouette lors d'un banquet organisé en son honneur, alors qu'on le sait malade, un mois avant son décès, le 16 décembre 1976. Le nom de Réal Caouette reste étroitement associé à l'histoire du crédit social, en plus d'évoquer, pour ceux qui l'ont connu, le souvenir d'un des plus grands tribuns du Québec du 20e siècle. Mesdames, Messieurs, nous avons deux provinces au Canada, administrées par des créditistes. Une province, l'Alberta, administrée depuis 1935. Ça fait exactement 27 ans qu'on a une administration créditiste en Alberta. Et en Alberta, après 27 ans d'administration, il reste aujourd'hui un libéral et un conservateur à la législature albertaine, alors que nous avons 63 députés créditistes. Ça veut dire quoi? Que le peuple albertain est satisfait de son administration de crédit social, même si le gouvernement n'a pas été capable d'appliquer dans tous ses détails la doctrine du crédit social parce que, justement, Ottawa les en a empêchés. C'est pour cela que, présentement, nous avons des candidats dans 232 comtés canadiens. Nous en avons 75 dans la province de Québec. Prenons nos responsabilités et le 18 juin, votons pour l'avenir de notre patrie. Votons pour le Canada en tant que Canadiens. Donnons un air d'aller au crédit social pour avoir une administration véritablement et foncièrement canadienne. Une administration, mesdames, messieurs, qui mettra l'argent au service de la population, au service de la personne humaine, contrairement aux vieux partis qui nous ont tenus en respect, qui nous ont tenus dans la misère au sein de l'abondance dans le Canada. Mesdames, messieurs, allons vers la victoire, non pas d'un groupe de politiciens, mais la victoire d'un peuple sur la finance dans le Canada. Le crédit social, le 18 juin prochain. Réal Caouette, dans un message diffusé à la radio durant la campagne électorale fédérale de 1962, ce que vous entendez, ce n'est pas un discours devant un public, c'est ces messages mis à la disposition des partis politiques. Là. Réal Caouette à la radio, avec la verve qu'on vient d'entendre. Éric Bédard, professeur à la TELUC, ami de l'émission, est avec nous pour revivre cet épisode politique du crédit social de Réal Caouette. Éric, bonjour. Bonjour. C'est quand même formidable. On le voit tout de suite. Il y a beaucoup de choses, mais on y reviendra dans ce que dit Réal Caouette dans cet extrait, la présence politique du crédit social au Canada, dans des provinces comme l'Alberta, la Colombie-Britannique, la doctrine, la pensée créditiste, on y vient dans un instant, mais d'abord l'homme, l'orateur formidable qu'il a été. Oui, c'était pas quelqu'un qui avait la patine, disons, d'un universitaire ou d'un diplômé des collèges classiques. Il avait une verve populaire, d'aucuns diraient populiste, mais on entend même une sorte de rhétorique, une façon de parler. Vous savez, quand vous avez diffusé votre député, là, Rondeau, Monsieur oui. Rondeau, que je ne connaissais pas, je croyais que c'était Réal Caouette oui. qui parlait. C'est comme s'il avait une sorte de formatage du discours, une façon de parler, une rhétorique qui s'adressait directement aux gens et qui ne... Et ça marche. Et ça a beaucoup marché. Réal Caouette a aussi été un avant-gardiste au niveau des médias. Il a fait énormément de télé. Les télés étaient plus décentralisées qu'aujourd'hui. Il faisait donc des émissions de télé. Et donc, il avait une aisance avec les médias de son temps. Ouais. Et ça, on s'en souvient encore une fois pour ceux qui l'ont connu. Puis il a été objet de tellement de caricatures. Moi, je pense entre autres, c'est les cyniques. Aux cyniques, sont beaucoup moqués d'eux et de lui en particulier. Ouais. Ouais. Alors, revenons à cette doctrine, parce que c'est par là que tout commence. Et il l'évoque Réal Caouette en disant au Canada, les gouvernements créditistes ne peuvent pas mettre la doctrine créditiste pleinement en application à cause d'Ottawa. Ça commence quand? Dans quel contexte ça naît, cette fameuse doctrine, Éric? Alors, cette doctrine devient beaucoup plus populaire durant la crise des années 30. C'est cette crise des années 30 qui rend les gens réceptifs à toutes sortes d'idées, parfois très radicales, le fascisme, le communisme, les totalitarismes. Mais cette idée aussi du Crédit social, qui n'était pas du tout de la même eau, qui a été conçu par un certain Clifford Hugh Douglas, qu'on appelait aussi le Major Douglas, qui était d'origine écossaise, 1878-1952. C'était un ingénieur de formation. Il a publié un livre en 1924 sur ce sujet, sur sa doctrine du crédit social, mais c'est durant vraiment les années 30 qu'on va l'écouter. Durant les années 30, on ne croit plus au libéralisme classique, dans le fond, du libre marché, de la main invisible qui allait tout régler. Un président américain avait dit en 1930, la prospérité est au coin de la rue. On n'y croit plus à cette doctrine du laisser-faire. Et donc, le Major Douglas, au fond, lui arrive avec une doctrine, je vais vous la résumer, c'est sûrement plus compliqué que ça, mais en gros, en trois points. Premier point, l'État doit jouer un rôle dans l'économie. Il n'est pas le seul à dire ça. Certains vont très loin, si on pense aux communistes ou aux socialistes, aux marxistes en général. D'autres vont moins loin. Tous ceux qui sont dans la tradition de John Maynard Keynes, qui prône aussi une intervention accrue de l'État. Mais lui, il est très clair là-dessus. Il faut que l'État joue un rôle. Il faut que l'État joue un rôle par le biais de son système monétaire qu'il contrôle et donc qu'il doit mettre à profit pour éviter ces écarts de richesse, pour éviter ces crises. Alors, comment? Alors, c'est simple. Il fallait calculer le nombre de biens disponibles sur une période donnée, sur les tablettes, les biens de consommation, donc la valeur de tous ces biens, et ensuite calculer la valeur des revenus de nos citoyens, des pères de famille à l'époque, et donc de voir la différence. Mettons qu'on avait pour 500 milliards de biens disponibles et qu'on avait des revenus de 300 milliards, mais il fallait redistribuer 200 milliards de dividendes sociaux au peuple pour s'assurer qu'il ait ce qu'il fallait dans ses poches pour pouvoir acheter, consommer ce qu'il y avait sur les tablettes. Je résume, mais c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, donc augmenter le confort des citoyens, mais oui, c'est une machine à faire rouler l'économie. Ben voilà, par une dividende sociale, par un crédit social, fait après ce calcul qui devait être assez compliqué, et pour éviter l'inflation, puisqu'on se moquait toujours, évidemment, on disait, les crédits sociaux, ils impriment de l'argent, etc. Donc, imaginez l'inflation. Ben, les créditistes disaient, non, on va avoir toute une grille pour plafonner les prix, pour établir les prix de tous les biens de consommation. Là encore, c'était un peu théorique, mais c'était en gros l'idée. Mm-hmm. D'ailleurs, Réal Caouet appelait ça le théorème de A plus B. A, les biens disponibles, B, les revenus, et A plus B, ben, il y a une différence et on redistribue l'argent. Remarquez, c'est pas si loin de ce qu'on appelle aujourd'hui le salaire, le revenu minimum garanti. Hein? L'esprit est un peu le même, c'est-à-dire que tous les citoyens doivent avoir dans leur poche un montant pour pouvoir vivre, pour pouvoir se débrouiller. Donc ça, c'est la théorie, c'est la doctrine. Oui. Ça va faire son chemin dans pas mal de pays, surtout le monde anglo-saxon. Oui, il va faire des conférences dans tous les pays anglo-saxons. Il est reçu. C'est un conférencier. Ses textes sont très lus. Mais au Canada, il y a une particularité. Ce sera un peu l'exception canadienne, en fait, qu'on vivra ici. Oui. Parce que oui, les conférences se tiendront un peu partout de ce brave major. Mais au Canada, la particularité, c'est qu'il y aura ici des partis politiques créditistes qui réussiront à se faire élire. Le premier gouvernement créditiste au monde, c'est celui de 1935 de William Eberhard en Alberta. Dans quelles circonstances se fait-il élire? Alors, dans la circonstance qu'on sait, tout simplement, la Grande Dépression des années 30, fait mal. Où on discrédite, où les partis traditionnels, conservateurs et libéraux, sont discrédités. Ajoutons à ça une tradition agrarienne, une tradition progressée, libérale, progressiste dans les provinces de l'Ouest, et où on a des chefs populistes. Dans le cas de William Eberhard, qui est le chef du Crédit social qui va être élu en 1935, c'est un radio-évangéliste, donc c'est lui aussi un orateur très écouté, très respecté. Et donc le Crédit social va se faire élire dans cette province, dans le contexte de la Grande Dépression, dans ce contexte de méfiance dans les partis plus traditionnels, dans un contexte aussi où on est très éloigné du centre, donc d'Ottawa, et on critique aussi ce système. Et donc ce parti se fait élire jusqu'en 1971, donc d'où la référence de Réal Caouet. Il sera en 1944, Eberhard sera remplacé par un certain Ernest Manning, le père de Preston Manning, qui a été bien connu dans le Reform Party. Et donc, ce parti va être très important. Le problème, c'est que la politique monétaire, qui est le fondement du crédit social, c'est un pouvoir fédéral. Or, les tentatives de réforme du crédit social albertain vont toutes être désavouées par le Conseil privé de Londres. Même succès en Colombie-Britannique. En 1952, la Colombie-Britannique va élire un gouvernement créditice d'un dénommé Andrew Cecil Bennett et qui va conserver le pouvoir durant de nombreuses années et qui fera des petits aussi par la suite. Une autre dynastie. Une autre dynastie et un parti qui va rester implanté très, très longtemps. Ouais. Au Québec, on peut dire, Éric, que la vraie naissance du crédit social coïncide avec l'élection fédérale de 1962. Ça va déboucher sur une vague créditiste. C'est pas rien. Le parti va faire élire 26 députés au Québec en 1962. Je vous propose d'écouter, vous allez voir, c'est succulent. Un petit bout de conversation entre deux cultivateurs de Saint-Vallier-de-Bellechasse qui commandent donc cette percée créditiste à l'élection du 18 juin 1962. Ils se parlent quelques jours après l'élection. Mon opinion, j'ai voté créditiste. Je suis en faveur du créditiste. Comment expliquer ça? Ah, c'est bien facile. Nous autres, tu sais, moi, quand une affaire me fait mal, ben, je la recule. J'essaie d'apprendre un autre chose qui me fait moins mal. Parce que les offres à 27 la douzaine, puis les poches à 4 cases et demi à pas, ben, je trouvais que ça commençait à faire mal. C'est pour la raison que je suis en train de partir. Oui, mais pensez-vous que comment que c'est des créditistes qui vont être au pouvoir, qui vont être capables de changer ça? Ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. C'est écoute un peu, il y a une administration dans la province, ça se fait pas juste avec des poches, ça. Mais bon, ça prend quelqu'un d'instruit pour représenter un pays. Il y en a des créditistes de Saint-Vallier même, ici, la semaine passée, il disait pour administrer la commission scolaire de Saint-Vallier, ça prendra des avocats et non des notaires. Là, eux autres sont créditistes, ils ont pas envoyé des gars qui ont fait leur sixième année à Ottawa, puis il y en a qui ont fait leur quatrième année. Celui de Lévis, ça n'a pas d'instruction, il ne sait même pas écrire à auto, il écrit à R.A. c'est auto. Écoute un peu comment ça va faire, ça, à Ottawa, ça ne voudra même pas parler. Ben, ça, des fois... Laurando le dit, il dit qu'il n'y a pas 4 dans la province de Québec sur 26 qui sont capables d'administrer la province là-bas, ils n'oseront même pas se lever. Le Laurando dont on parle, bien sûr, c'est André Laurando du Devoir. C'est très coloré, Éric Bédard, ce qu'on vient d'entendre, mais c'est plus que ça, c'est plus qu'anecdotique. Ça nous en dit beaucoup sur cet extrait-là, sur la nature du vote créditiste. Qu'est-ce qui se passe à cette élection de 62? D'abord... Un petit retour en arrière très rapide. Le crédit social est fondé sur la scène fédérale en 1935 et va faire élire quelques députés lors des différentes élections, mais jamais plus de 20. Ça oscille entre 10 et 20 députés à toutes les élections. Donc, un petit parti et surtout dans l'Ouest. Mm-hmm. Mais là, comme vous le dites, la grande révélation, ce qui est extrêmement spectaculaire, c'est que 26 des 30 députés du crédit social en 62 sont du Québec. Et ça doit, évidemment, c'est dû beaucoup à Réal Caouette. Une des raisons pour laquelle il y a eu cette percée, probablement, c'est que les conservateurs de John Diefenbaker n'ont pas réussi à se trouver un lieutenant canadien-français, un lieutenant québécois fort, crédible. L'un de leurs lieutenants a été mêlé avec une histoire de couchette avec une espionne de l'Allemagne de l'Est. Enfin, si c'est pas cette période, c'est peut-être un petit peu après. Ouais. Mais enfin, il y avait pas un chef canadien-français qui a réussi à s'imposer pour le Parti conservateur de John Diefenbaker. Donc, pas d'enracinement. C'était assez superficiel comme victoire en 58. Et du côté libéral, une méfiance. Ajoutez à ça le fait que, et ça c'est la thèse d'Hubert Guindon, le sociologue Hubert Guindon, qui a fait un texte dès les débuts des années 60 sur ce phénomène. Il disait, au fond, ceux qui ont élu le crédit social, c'est, regardez bien ces comtés. Ce sont les comtés qui ont été négligés, en gros, par l'État-providence, par l'État qui est en train de se développer, dans lesquels, dans le fond, tous ces comtés n'ont pas eu de cégep, d'universités, d'hôpitaux. Comtés ruraux, essentiellement. Ruraux, semi-ruraux. Donc, des comtés un peu laissés pour compte, des comtés un peu en marge du développement de l'État moderne et donc une sorte de ressentiment, de désespoir ou de malaise avec cette nouvelle société qui est en train d'émerger. Et là, on a des leaders qui parlent la langue du peuple, qui, dans le fond, mettent tous les élus, les vieux partis, dans le même paquet. Ouais. Ils disent, nous, on va aller parler en votre nom. C'est vrai, on n'est peut-être pas aussi instruits que les autres. On n'a peut-être pas fait les collèges classiques, mais nous, on comprend vos besoins. C'est un peu la structure rhétorique du populisme. Mais je reviens sur cet extrait qu'on entendait, puis des vagues surprises. On en a vu d'autres dans l'histoire. On peut penser plus près de nous à cette vague néo-démocrate au Québec, un parti plutôt ancré au Canada anglais. Vague néo-démocrate au Québec en 2011. Ça rappelle un peu donc cette vague créditiste au Québec. Oui. Mais quand ce cultivateur disait à son camarade, en citant Laurando, ce qu'on a envoyé à Ottawa, ça n'a pas de bon sens, c'est à peu près ça qu'il disait. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette composition de ces 26 députés qui s'en vont à Ottawa, qui sont élus en 62? Oui, ben, je pense qu'en effet, c'était des gens peu éduqués, qui étaient issus souvent de leur milieu, des maires, des agriculteurs, des échevins, des gens dans lesquels cet électorat s'identifiait, dont Réal Caouette, à coup sûr. Alors, parlons-en de Réal Caouette, parce qu'il sera si important dans ce succès du Crédit social. En quelques mots, comment résumer la vie de cet homme et qui est-il? Alors, Réal Caouette, c'est quelqu'un qui est originaire de l'Abitibi. Il appartient à cette première génération qui est née dans cette nouvelle région qui est l'Abitibi. C'est vraiment un fils du peuple. Il naît dans une maison de boiron qui est construite par son père à Amos. Il ne fait presque pas d'études. C'est un vendeur. Il est très tôt remarqué pour ses talents de tribun. Très rapidement, il est extrêmement... Ce qui va le marquer à vie, cet homme-là, il va en parler dans tous ses discours, c'est le changement drastique, c'est l'attitude du gouvernement fédéral notamment, entre ce qui se passait avant 1939, donc le déclenchement de la guerre, et ce qui se passe après. Ouais. Hein, dans tous ses discours, il va dire, vous voyez, jusqu'à la guerre, on n'avait pas d'argent, on crevait de faim, et c'était ça, c'était surtout le cas, notamment le cas en Abitibi, c'était épouvantable. Il n'y avait pas d'argent. Non, dans le fond, l'argent ne circulait pas. Et là, du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, tout à coup, l'argent circulait. Mmh. On avait tout ce qu'il fallait pour habiller les soldats, pour acheter des tanks, pour... Et là, il dit, c'est bien la preuve qu'il y a une petite élite qui se fout éperdument des misères du peuple, qui ne pense qu'à une sorte d'agenda, soit international, soit national, qui veut se mettre en valeur. Et donc, il a été tellement marqué par ça, et ça va tellement transpirer dans tous ses discours, il avait une crédibilité, puisqu'il avait connu tout ça, le marasme des années 30, et il va donc surenchérir là-dessus. Donc, il va tout naturellement aller vers le Crédit social, mais à l'époque, au Québec, le Crédit social, ça s'appelle l'Union des électeurs. Ça a été formé durant les années 30. C'est un groupe mystico-politique qui est animé par un certain Louis Evan et Gilbert Côté-Mercier. Mm-hmm. Donc, c'est des gens inspirés par les théories du Major Douglas, mais très religieux. Donc, il y a un conservatisme, un traditionnalisme moral et religieux dans ce mouvement. Donc, il y adhère. En 1946, il est élu lors d'une élection fédérale partielle dans sa région natale comme créditiste. Mais en 1957, il va se faire battre par la suite en 1949. Il va être dans l'opposition. Mais il va devenir un animateur du mouvement, mais il va se dissocier en 1957 de cette frange très religieuse qui discréditait le mouvement, à laquelle il ne s'identifiait pas vraiment. Et il va devenir une figure de proue du mouvement. Il va faire énormément de télévision, énormément de discours. En 1956, cette année-là, par exemple, il attire 12 000 personnes dans sa ville natale, une ville de 6 000 habitants à l'époque. Et sa popularité, elle vient en grande partie des émissions de télé. Ouais. D'ailleurs, ça va inspirer tout un courant au Parti québécois. Des gens comme Jean Garon, Marc-André Bédard, des gens comme Lucien Lessard. Il y a toute une frange du Parti québécois qui était très influencée par ce que faisait en région Réal Caouette. Il fallait faire un peu la même chose. Et regardez, si vous vous souvenez de Jean Garon, il y avait un style, un style qui rappelait une filiation. Cette rhétorique de l'Union du Crédit social. Donc, en 62, ça débloque. Hein? Soit 26 députés. Et donc, il va s'imposer sur la scène fédérale, mais ça va parfois faire des flamèches avec d'autres membres du Crédit social de l'Ouest, à cause de son nationalisme. Exactement. Puis il y aura un Crédit social Québec, au fond, qui va se former dans ce grand parti national. Oui, alors il y a une aile québécoise qui va être créée en 1970, à la tête de laquelle on va retrouver une figure aussi qui va frapper l'imaginaire, dont les humoristes des cyniques, qui est Camille Sanson, donc qui va s'appeler le ralliement des créditistes, qui va obtenir un succès en 1970, mais qui va constamment décliner. Revenons sur la pensée politique de Réal Caouette, pas la pensée purement créditiste sur le plan économique, mais la position qu'il a sur le nationalisme, sur le nationalisme québécois, parce qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. On l'écoute en septembre 1963. J'ai des sympathies envers les séparatistes dans la province de Québec, absolument. Ces gens-là, même si je ne crois pas dans toutes leurs théories, ces gens-là contribuent quand même à faire ouvrir des yeux, parce que je crois sincèrement que le Québec peut obtenir mieux que ce qu'il a obtenu à date dans la Confédération, et ça, c'est admis, c'est reconnu par tous les mouvements politiques. Mais surtout depuis un an et demi, deux ans, depuis que les créditistes ont eu une véritable vague dans le Québec, et puis que nous sommes arrivés à Ottawa avec des gars qui ont lutté pour le fait français. Est-ce que c'est votre conflit avec M. Thompson? Est-ce que c'est votre séjour à Ottawa qui vous a poussé de ce côté-là? Absolument pas. J'ai toujours été, moi, premièrement, un nationaliste depuis que j'étais au collège à l'âge de 18-19 ans. Et puis, que le fait français soit reconnu, j'en ai toujours été. Je suis encore convaincu que dans la Confédération, il y a des possibilités pour que le fait français soit reconnu exactement au même titre que le fait anglo-saxon. Alors, à ce point de vue-là, les séparatistes ne s'entendent pas avec moi parce qu'eux croient que nous allons végéter quand même dans la Confédération. Moi, je dis que si nous sommes en arrière des autres provinces au Canada, ce n'est pas la faute des Anglais, c'est la faute des Canadiens français de la province de Québec. Nous avons eu à Ottawa des députés qui servaient le parti au lieu de servir les intérêts de leur race. C'est intéressant. Intérêt de leur race. Oui. Voyez le langage d'époque. Et ça va bouger, la pensée de Réal Caouette sur le nationalisme. Mais ce qu'il dit à la toute fin, c'est pas si loin de toute cette théorie du French Power qui était celle de Pierre Trudeau. Là. Oui, un peu, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il fallait que les Canadiens français prennent leur place à Ottawa, oui. Qu'on arrête de voter pour des gens qui étaient un peu des béni-oui-oui des grands partis. Ça, oui. Et on avait encore des preuves. Le Canada n'avait pas épuisé toutes ses possibilités pour les Canadiens français. Ça, là-dessus... Il est dans la tradition de beaucoup de nationalistes canadiens-français qui croient que Ottawa peut aider, peut être un endroit où on peut s'imposer. Maintenant, il va devenir un farouche adversaire du séparatisme. Plus on avance dans les années 60, et on a l'impression que chez lui, séparatisme, professeur barbu, marxisme, contre-culture, ouais. Tout ça, c'est dans le même paquet. Ouais. Il va associer toutes ces idéologies ou toutes ces idées, et on va le voir clairement à la fin des années 60 et durant la crise d'octobre. Il va être opposé, farouchement opposé, par exemple, à la décriminalisation de l'homosexualité, toujours favorable à la peine de mort, la loi et l'ordre. Il va être d'accord avec la loi des mesures de guerre de Pierre-Elliott Trudeau. Donc, un grand conservatisme. C'est un conservatisme culturel, social, très affirmé. Et un antiséparatisme, et aussi, n'oubliez pas, un anticommunisme. Ouais. Tout ça teintait sa perspective. Et c'est important de le dire, parce que durant les années 60, beaucoup d'indépendantistes flirtaient avec les idées marxistes, avec les idées de la décolonisation. Donc, son anticommunisme colore sa représentation du séparatisme. Le Crédit social, Éric Bédard, va mourir de sa belle mort, comme on dit. Ça commence quand, le déclin? Qu'est-ce qui explique la fin? Les années 70, il y a une lente... Moi, je dirais deux choses, essentiellement des luttes internes, des luttes intestinales, essentiellement des querelles d'égo, beaucoup plus que des querelles de programme, de ce que j'en perçois, en tout cas. Et ensuite, de la malchance, c'est-à-dire la mort de Réal Caouette prématurée. Il meurt à 59 ans. Mais surtout, le décès accidentel de son successeur, André Fortin, qui meurt dans un accident d'auto en 1977, quelques mois à peine après le décès de Réal Caouette. Et là, c'est comme si ça cassait les reins du Crédit social. Ouais. Oui. Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci infiniment, Éric. Merci. À la prochaine. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.